Et Polo, pourquoi faut-il boire? Mais pour ce bon vieux blues, ami, où l'on devient les rois de la nuit, là où l'on vit avec une autre mémoire. Pour un battement, on n'est plus des clodos, on peut rêver d'être les plus beaux, qu'on ne porte plus en nous cette puanteur, jusqu'à en sentir la fine fleur. Bon Dieu, le tableau bonheur. Allez, coule en moi liqueur, fais de nous des vainqueurs, mens-moi jusqu'au petit matin, là où je maudirai ton venin, mais reste au bout de ma main. Oui, oubliez mon état de clodo, même si avant le jour, je finirai dans le ruisseau. Car ce soir, je n'aurai pas froid, même si je vis en foutu rat. Pleu-neige, moi je n'ai pas de toi. Ce soir, je n'aurai pas les larmes au poing. Ce soir, j'aurai ma gueule en coin. Certes, je serai défoncé comme un loir. Bon Dieu, je vais sans doute rentrer trop tard. Rentrer où? D'ailleurs, continuons à boire. Peut-être vais-je toucher une femme. Allez, rêve, Polo. Et peut-être même que je lui dirai je t'aime. Chauffe, Polo. J'en ferai une dame. Et vois-tu, elle ne sera que mienne. Polo, je sais, on n'est que des clodos. Ce soir, on ne tisera pas que de l'eau. On finira comme la veille, en compagnie de la poubelle. Elle sera notre radeau. On lui parlera du temps d'avant, avant les bancs, les cartons et le métro. Un temps où nous avions femme et enfant.